Kaira Kaira, musique, musique, ego trip, punchline. J'écoute une fois, trois fois, vingt fois, je sais toujours pas de quoi ça parle. Mede, Mede, Zulu, Ego, Golf, uniforme, Alpha. On a perdu la putain de connexion avec la base. Kaira, Kaira, musique, musique, ego trip, punchline. J'écoute une fois, trois fois, vingt fois, je sais toujours pas de quoi ça parle. Mede, Mede, Zulu, Ego, Golf, uniforme, Alpha. On a perdu la putain de connexion avec la base. Crapuleux dans le texte, le département comme emblème. Audi, Porsche, Merco, BM. La street est dans le thème. Le flow est dantesque, original, gangster. Tout ça se passe dans leur tête. La copie est grotesque. Dans le réel, ça rase les murs. Ça mitonne plus que de raison devant les petits. Ça joue les durs devant la justice. Récitation à la débauche, incitation. Putain, le concept, la com direction. 20% de vécu, le reste fiction. Y'a même plus de compétition. Trois quarts qui ramassent gros de cash pendant que le reste joue les chromes. À chaque nouvelle sortie, le trauma. Le rap est plongé dans le coma. Les albums en tiennent rien dire. Punchline, ego trip, vide de sens, on n'en plus finir. Kaira, Kaira, musique, musique, ego trip, punchline. J'écoute une fois, trois fois, vingt fois, je sais toujours pas de quoi ça parle. Mede, Mede, Zulu, Ego, Golf, uniforme, Alpha. On a perdu la putain de connexion avec la base. Kaira, Kaira, musique, musique, ego trip, punchline. J'écoute une fois, trois fois, vingt fois, je sais toujours pas de quoi ça parle. Mede, Mede, Zulu, Ego, Golf, uniforme, Alpha. On a perdu la putain de connexion avec la base. Musique de Kaira, de Paria, de Paria, c'est marche. J'ai vu ces bâtards prendre le train en marche sans bagage. J'y fais un train qui se coste ou trappe. Les modes se suivent, les MC s'adaptent. Les gars ne blaguent pas, mais seulement sur Call of. Sur Facebook, derrière un écran, font les bonhommes. Ils parlent de bis, de gun, de chat, et comme les sœurs se font des lissages. Purple weed, purple drink, purple stick, rouge à lèvres, allure de pète comme Young Thug, Birdman ou Lil Wayne. À dire vrai, j'devrais m'en battre les couilles, ouais. Faut croire que j'ai trop d'amour pour cette mère. J'ai trop d'ancienneté sans parler de carrière. En direct de la cité Carter, je reste le gardien de mon art, je reste vrai. Kaira, Kaira, musique, musique, ego trip, punchline. J'écoute une fois, trois fois, vingt fois, je sais toujours pas de quoi ça parle. Mede, Mede, Zulu, Ego, Golf, uniforme, Alpha. On a perdu la putain de connexion avec la base. Kaira, Kaira, musique, musique, ego trip, punchline. J'écoute une fois, trois fois, vingt fois, je sais toujours pas de quoi ça parle. Mede, Mede, Zulu, Ego, Golf, uniforme, Alpha. On a perdu la putain de connexion avec la base. Répétez ça, Blazer One, j'entends rien. Ok, Blazer One,